bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd! Ben oui, je critique les foules. Je suis avec toi, public. Je t'observe. Parfois, je suis dans le trash avec toi. Je body surf par-dessus ta tête. Des fois, je suis fort calme. Je fais juste en regarder le band jouer de la musique devant moi. C'est un peu le cas cette semaine. Et ouais, étonnamment. Peut-être par rapport aux habitudes que j'ai de vous compter toutes mes anecdotes où des fois je suis fort énergique, fort énervée. Mais durant Devastation of the Nation, tournée qui a arrêté sa tournée, ben oui, à l'Astral pour sa deuxième date avec Oh boy, que de nombre de métalleux il pouvait y avoir sur scène, 7 groupes en tout. Oui, il y a aussi de la crowd dans la salle, mais j'ai beaucoup de mais finalement à dire sur Devastation of the Nation. Des anecdotes bien personnelles, des fois les intermèdes, ce qui se passe durant l'entracte peut aussi changer notre appréciation du spectacle ou tout simplement notre mood en tant que spectatrice. Et aussi, des déceptions, vraiment des grosses déceptions. Je pourrais en rajouter encore tout plein. Je t'expliquerai pourquoi. Mais sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de Aborted, Psychrotic, Ingested, Descent Tombe, Archaic, Venom Prison. Et il y avait aussi Veil Up Nat. On va commencer tout de suite en musique. Et non pas en métal, mais on va en écouter pas pire pendant l'émission. On s'en va écouter Le Nombre parce que cette semaine, j'ai réalisé à ma grande joie qu'ils allaient jouer Gratis dehors durant les Francofolies. Ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas fait de spectacle. Je trouve ça quand même drôle. Ils auraient pu attendre à l'année prochaine faire un chiffron. Mais les chiffrons, c'est vraiment surestimé. Alors sur ce, je suis excitée parce que je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en spectacle. Alors oui, je vais être la première en avant du stage à connaître toutes les paroles, entre autres celles de Soleil. Parce qu'il fait beau. C'est bien dadon. Regarde. bien décapant le nombre. Ah, j'ai déjà hâte à leur prestation, Francofolie. Ah, et vous avez aussi entendu, ben oui, le nombre, ben nombre. Alors, on a entendu le nombre avec Le Soleil sur leur album Scénario Catastrophe. Et vous en aurez tout plein d'autres chansons bien bruyantes tout au long de Critique de Crowd cette semaine. Parce que c'est tout en métal brutal, qui est la programmation de Devastation of the Nation. Je le ris parce que je sais pas jusqu'où peut aller l'euphémisme en disant brutal, là, parce que tous les groupes de cette tournée font dans le brutal, death metal, technique. On est dans une programmation très nichée, mais fort excellente. Tous les groupes étaient excellents. Ça, c'est assez certain. Et ils sont, comme j'ai dit en début d'émission, assez nombreux. Alors, accompagnés à Aborted, 6 autres groupes! 6! Et sinon, ben, à Montréal, on avait l'occasion de voir Veil Up Nat pendant que l'autre partie de la tournée, ça va être Things of the Swarm. Et je dis à moitié de tournée parce que oui, c'est vraiment tout début de la tournée. Elle a commencé à Brooklyn, puis la deuxième start, c'était à Montréal. Par la suite, ils continuaient à Ottawa, mais ils vont pas à Toronto. Je ris parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur, oui, certains articles comme, je pense, à Metal Sucks qui présente l'événement. Et oui, il y en avait plusieurs festivaliers, non-festivaliers, là, qui, justement, ne pouvaient pas y être. Ils disaient « Ça passe pas dans ma ville! » Alors, je sais pas comment ils ont décidé leur date, mais voilà. Je le mentionne aussi parce que c'est la 4e édition de Devastation of Nation. L'année dernière, c'était au Fofun électrique avec Cretopsy en première... première partie pantoute, en tête d'affiche, Jolene. Et sinon, il y avait Decrepit Bird, Rivers of Nihil, qui reviennent cette année au Piranha Bar. Bref, encore une fois, du bon brutal. Seule chose, c'est ça, 2016. Ah! J'ai rien trouvé! Est-ce que la tournée existait? Tu sais, quand on dit c'est la 4e édition, la première fois, c'était-tu en 95? Non, mais comme, j'ai pas trouvé. Si jamais tu y étais, ben, écris à Critique de Crowd, Facebook, courriel. Je suis vraiment curieuse, parce que j'ai juste trouvé la programmation de 2015 autrement, où il y avait en tête d'affiche Origin, et encore une fois, il y avait Ingested qui faisait partie de la programmation. Je crois qu'ils sont aimés par l'événement. Mais la tournée, justement, en 2015, elle s'était pas arrêtée à Montréal. Alors, on n'est pas encore rendu dans leurs habitudes. Et moi-même, je connaissais pas vraiment l'événement avant de savoir que Venom Prison allait jouer avec eux. Ah, je les aime beaucoup avec la chanteuse Larissa. C'est un groupe anglais et elle gueule très bien. Alors, j'avais très hâte à Devastation of the Nation, mais particulièrement pour voir Venom. Aussi pour voir Aborted parce que je les avais toujours pas vus. Les autres groupes, pour moi, c'était vraiment une découverte et je trouve ça important aussi de le mentionner. Je crois que c'est un des points positifs pour moi de l'événement, c'est de pas nécessairement connaître tous les groupes parce que étant donné que c'est hyper niché, ben ça permet de faire des découvertes sur place, puis de se griller de t-shirts et de ramener plein d'albums chez soi, parce que oui, c'est le temps de prendre le temps. Mais oui, pendant que t'es en spectacle, parce que c'est longtemps, c'est Ben, on va se le dire, ça t'en doux. Ben oui, t'as le temps de prendre ta soirée et dire, écoute, je vais écouter que du brutal death metal technique et je vais faire avec le recul dire, ah, celui-là, c'est un coup de cœur. J'ai envie d'explorer et de le mieux les connaître par la suite. En tout cas, moi, ça aurait été mon cas avec des petits bémols. Et le premier bémol, c'est le fait qu'il fallait pas être trop lève-tard, couche-tard, hein, pour apprécier son Devastation of the Nation, hein, parce que ça commençait à 4h30 de l'après-midi, mon ami. Oui, ah, je capotais. Sérieusement, les portes ouvrent. Ah, ils ouvraient à 3h30 l'après-midi. Il faisait super beau. Ben, comme aujourd'hui. Fait que tu allais t'enfoncer dans la sombre astrale et ne pas profiter du soleil. C'est juste... Ça va que ça commence de bonne heure, c'est bien aussi de pas, j'allais dire, étirer la sauce. Il y a quand même beaucoup de bandes, alors on peut pas non plus dire qu'il étire pas non plus dans un certain sens. Mais le fait que ça termine pas à 1h, 2h du matin parce qu'on a décidé de commencer à 8, je trouve ça correct. Je trouve ça bien correct. Mais disons que si j'avais pas, mon inconscient m'a parlé ce matin-là. Il a dit « Jolene, vérifie donc l'heure sur les internets. » Alors, quand je l'ai vu, clairement, si j'avais pas checké sur Internet, j'aurais manqué tout. Je serais arrivée à 9h, là, puis j'aurais réalisé que j'ai manqué tous les groupes. Je serais en train de pleurer puis me dire « Ah, mauvaise gestion du temps! » Mais non, ça n'aurait pas été le cas. C'est juste que 4h30, je trouve ça quand même intense. Je trouve ça tôt. Je trouve... En tout cas, vous pourrez encore une fois me partager, Crowd, votre opinion sur le sujet. Peut-être que justement, de varier avec les shows qui commencent tout le temps à 8 heures dans les salles où c'est très conventionnalisé, ou même dans les festivals, tu sais, ça va commencer début de journée, ça va finir vers 10-11 heures. Les festivals intérieurs, souvent, ça commence plus à 6 heures. C'est peut-être ça qui m'agace dans le fond. C'est genre, c'est l'espèce de 2 heures de plus où, genre, on a le temps de s'alimenter au lieu de prendre un break puis se dire, oh, est-ce que l'entraide va être assez longue ou je vais manquer un ben puis avoir une autre gestion du temps, mais à l'intérieur de l'événement. Enfin, chacun le gère comme il pense, mais chose certaine, c'est sûr qu'on allait se coucher tôt. Parce que oui, ça finit vraiment, mais vraiment de bonne heure. Alors, pour cette raison, on va aller écouter du Kick-Ass Violence qui dit « Va te coucher! » Casse violence sur les ondes de CISM avec votre coucher qui se retrouve sur leur démo et qui va commencer cette belle soirée. Cet après-midi, tu vois comment c'est trop de bonheur? Je peux pas dire soirée, logiquement. Mais oui, commencer le Devastation of the Nation, Veil of Nat. Hey, extrait. J'espère que tu as apprécié Crowd. Mais ouais, j'ai trouvé que ça commençait très bien le festival. Quand je parlais de coup de cœur, de découverte, pour moi, ça a été le cas avec Veil of Nat. Puis j'aime ça aussi que ça commence, tu sais, des fois, la première partie, les gens arrivent pas trop. Puis je me disais, il va-tu avoir du monde? Je suis arrivée 8 minutes en retard. Oui, j'ai compté. Et il y avait du monde, vraiment! Vraiment! Effectivement, je veux dire, c'était pas crowdé comme pour la fin des festivités, mais quand même, je trouvais que c'était une très, très grosse crowd aussitôt, et déjà assez de bonne humeur. Le dévole se faisait aller pas à peu près, alors bonne crowd en avant là, qui dévole durant les tunes pour applaudir. Ça, c'est le moment aussi, je me rappelle qu'applaudir des fois en spectacle métal, ça... ça vaut tellement pas la peine! Tout le monde crie, faut des vols, fait que t'applaudis puis tu fais comme, mais quel bruit qui s'agence pas avec le reste ou qui est juste confondu avec tout le reste du bruitage crowdien. En plus de, se faire aller le dévol, ben, je veux dire, la crowd a même parti un pit. Ils ont trashé en fin de set, par exemple, mais quand même, encore une fois, pour 6 de bonheur en journée et en première partie de 6 autres groupes, je trouvais que les gens étaient de bonne humeur, étaient participatifs. Bon, ils n'étaient pas encore très, très nombreux à ce moment-là. Après, on pourra toujours reparler du nombre de participations. Des fois, le pit peut être quand même vide. Mais non, disons que c'était une dizaine de participants quand même. Le groupe aussi était fort heureux d'être à Montréal et de jouer devant ce public. Parce que c'était aussi, entre autres, leur première fois à Montréal et ils nous l'ont répété, pas que c'était la première fois qu'ils venaient à Montréal, mais plutôt qu'ils étaient, tu sais, nous sommes vraiment heureux que vous soyez là et vous êtes très, très awesome. Et j'ai trouvé ça beau qu'ils soient vraiment comme reconnaissants. Oui, ils nous faisaient beaucoup participer en échange. C'est comme, envoyez, applaudissez, comme s'ils en voulaient plus. Mais étant donné qu'il y avait cette espèce de reconnaissance de, vous êtes adorables, faites-en plus, on vous adore, yeah! Tu sais, on dirait que... Oui, ça faisait que ça... C'était comme une surenchère de « on vous aime puis on vous en demande encore plus en échange ». Mais ça se renvoyait bien la balle entre la crowd et le Ben. Alors, j'ai trouvé ça, ouais, sympathique au final. Je les ai pas trouvés comme, je sais pas, arrogants ou qui en demandaient trop. Et voilà, ça a été quand même court, là. Je veux dire, c'est des sets pour les premiers bands, là. C'était plutôt 30 minutes de prestation. Alors, quand on appréciait, on pouvait trouver que le temps filait vite pour vivre son entracte. Ah, l'entracte. Il était long. Il était long. Il était étonnamment long. Bon, pour critique de crowd, moi, ça me laisse l'occasion de checker la crowd. Fait que ça, je l'apprécie bien. Je fais mes études de maison, question démographie. Alors, t'as quel âge, crowd? Tu viens d'où? Et oui, le port du gaminet métal était fort populaire. Je pense qu'il y avait comme deux personnes qui en portaient pas, là. Fait que, on pouvait savoir qui était fan. Ah, oh, ben oui, de Black Dahlia Murder, mais aussi de Chelsea Grind, Obliterate, Full of Hell, Cannibal Corpse, et Death. Au moins deux de Nels qui sont venus il y a 6 mois, il y a 1 an. Ah, plus je vois des gaminets de Nels, je me dis, il faut que j'aille les voir en spectacle bientôt. Alors, voilà, je regardais comme ça les t-shirts de la crowd pendant que, ouais, le temps passe, c'est pas normal, c'est un peu trop long. Mais semble que j'avais vu sur Internet, encore une fois, merci les Internet, j'avais vu cette liste comme vraiment photographiée par, je sais pas moi, un technicien ou un fan vraiment à l'avance. Là, je sais pas ce qui l'a eu, je sais pas ce qui l'a eu parce que c'était pas un post officiel, mais je voyais que c'était plutôt des entractes de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Puis on attend. Puis on n'a pas d'information de ce qui se passe. Puis c'est long. Oh! Par contre, les fans de Archaïque avaient l'air fort prêts, là, vraiment. Je veux dire, il y en avait plusieurs qui avaient déjà acheté leur T-shirt, qui attendaient en avant. Et plus c'était long, plus je réalise que c'est Archaïque qui s'installe pour leur set. Et quand on dit qu'ils s'installent, il y avait 2 drums sur scène. Celui d'Aborted, puis je sais pas s'il y a un autre band qui a joué dessus, mais bref, il y en avait un qui était sur un podium et l'autre qui était plus en avant. Alors quand ils s'installaient, ils étaient vraiment proches du public. Là, les prestations se faisaient en avant-scène. Alors, il y avait une certaine proximité entre le groupe et la crowd. Mais là, je réalise bien que c'est pas Venom Prison. Puis selon l'horaire que j'avais vu, bien, il était en deuxième. Il est en deuxième! Fait que là, je commence un petit peu à angoisser, puis je me dis, y a-t-il une erreur? Y a-t-il un échange dans l'horaire? Sont-ils là? Êtes-vous là, Venom Prison? Êtes-vous là? Et je suis un peu triste, mais j'attends patiemment pendant qu'il y aura, oh, certainement, des mosh pits. Allons entendre cette chanson de Crasse Moyenne. Frappe ton ami dans le mosh pit, si mécanique dans le mosh pit, bicycle kick dans le mosh pit. Fuck shit, frappe le plus gros dans le mosh pit, frappe le plus beau dans le mosh pit, fin de l'héros dans le mosh pit. Fuck shit, frappe ton ami dans le mosh pit, si mécanique dans le mosh pit, bicycle kick dans le mosh pit. Fuck shit, frappe le plus gros dans le mosh pit, frappe le plus beau dans le mosh pit, fin de l'héros dans le mosh pit. Tu pars en ambulance en étant critique. Pack tes sabots sur nos métropolis. Mais t'as-tu déjà traché dans un champ de police? Fuck it, génocide 1985. J'en ai déjà des coups de pied dans vagin à ma mère. Wallodel qui t'emmène au cimetière. Tu déjeunes à l'urgence avec une cuillère. 360 dans les abats, des surfers suicidaires. Fuck you, t'es un fucking mou. Un seul coup de coude pis t'as perdu tes joues. Très gros pouilleux, ça sent bien crissement farouche. Un ado qui meurt bien signé par la foule. Un poche au visage, un poing dans ta bouche. Un saut dans ton aile pis un kick dans tes couilles. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Fuck shit, fuck shit. Frappe ton ami dans le mosh pit. Si mécanique dans le mosh pit. Bicycle kick dans le mosh pit. Fuck shit, frappe le plus gros dans le mosh pit. Frappe le plus beau dans le mosh pit. Fin de l'héros dans le mosh pit. Fuck shit. Frappe ton ami dans le mosh pit. Si mécanique dans le mosh pit. Bicycle kick dans le mosh pit. Fuck shit Frappe le plus gros dans le mosh pit. Frappe le plus beau dans le mosh pit. Frappe le plus gros dans le mosh pit. Mosh Pit. Alors, vous avez entendu Mosh Pit du groupe Crasse Moyenne sur leur album Pure Dose Volume 1. Ah, des Mosh Pit. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a durant Devastation of the Nation et pour les différents groupes. C'est varié, hein, un pit, l'action qu'il peut avoir à l'intérieur, mais l'espace qu'on lui accorde en spectacle, moi, c'est toujours un truc qui me fascine. Et même si, oui, il va toujours avoir un pit, puis des fois, il se résorbe un peu, des fois, oh, il est en pleine expansion, il est toujours plus ou moins présent, puis effectivement, cette soirée à l'Astral ne fera pas exception à la règle, et encore moins pour Archaïque groupe californien. Hey, un autre extrait. Ben oui, du death technique et progressif et qui ajoute à des petits effets en début de chanson. Il y en a eu plusieurs aussi qui en avaient des pré-enregistrements durant le set. C'est pas que c'est pas commun là, dans les shows métal ou même dans d'autres genres, mais moi, ça me fait toujours un drôle d'effet. Parce que je sais plus c'était quel groupe, mais il y avait un extrait comme ça où c'était une guitare acoustique, puis je me disais, mais il pourrait quasiment le faire sur scène. Et inversement, ce serait intéressant de voir une prestation avec tout l'orchestre. Ben oui, tout installé. Et ce serait des méchants gros shows, des méchants bons shows. Mais ouais, ce qui m'agace, c'est que des fois, les musiciens, ils savent pas quoi faire durant ces moments-là. Il y a une espèce de moment platant, et pour la foule, et pour le band, comme, ah oui, tout le monde ensemble, on écoute la trame. Fait que, ouais, c'est pas les plus grands moments d'action crowdienne. Parce que durant Archaïque, sérieusement, là, ça a explosé dès le début. C'est comme première note, bang, ça trash. C'est beaucoup des lignes, ça va en zigzag. C'est pas une espèce de gros tapon où là, tout le monde va varger d'un bord puis à l'autre, puis c'est un gros excitoire d'énergie. Non, tu sais, on est entre différentes techniques où on veut foncer dans le monde, où des fois tu le prends un peu mollo, puis tu peux prendre une petite marche dans le pit. Tu prends possession du lieu qui est le mosh pit. Et quand je disais que je trouve ça intéressant, fascinant, ben oui, je veux dire, le nombre de fois que je parle de mosh pit à Critique de Crowd. Mais encore une fois, c'est fou comment ça peut être... à la fois et pas pantoute à l'écoute de la musique. C'est surtout que c'est intermittent, l'action qu'il va avoir dans le pit. Des fois, il n'y a rien pantoute, puis ça peut être comme très, très high dans la musique. Et d'autres fois, ben non, ça n'a pas de lien. D'autres fois, oui, c'est vraiment une très belle écoute, ça a une corrélation avec la musique. Et je crois que tout le long du festival, ça aurait été un peu le cas. Moi, tu sais... Ça allait d'une chanson à l'autre, puis des fois, ça n'avait pas nécessairement de lien, même si ça allait d'une chanson à l'autre. J'espère que tu as compris, crowd. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, la disposition scénique, je l'ai trouvée avantageuse pour les premiers groupes. Peut-être aussi que c'est les premiers de la soirée, de l'après-midi. Fait qu'étant donné que ça commence tôt, je sais pas à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour eux. Pour Archaïque, oui, vraiment, on sentait que leur crowd était présente. Mais le fait qu'ils soient aussi proches de la scène et aussi proches du public, je trouvais que ça faisait une belle communion. T'sais, on sentait un ensemble, on sentait le moment. Et en avant, c'était agréable aussi parce que si t'avais un peu chaud... Ben oui, ça headbangait pas à peu près. Je vous dis, moi, j'étais à côté de deux gars bien chevelus qui headbangaient, puis vraiment, je me sentais à côté de ventilateurs. Fait que c'était agréable. Je me sentais au bord de la mer. Ah, le calme et le souffle du vent. On dirait que vague, ça me fait penser à Body Surf, mais non. Ça, il va en avoir très, très peu. Très, très, très, très peu durant Devastation of the Nation. Sinon, Archaïque, question musicale, question groupe, question prestation, ils sont quand même groundés, tranquilles. Je pense que si la disposition scénique avait ce petit défaut-là, c'est qu'ils étaient tellement proches d'avant-scène qu'ils ne pouvaient pas nécessairement se déplacer facilement. Les guitaristes et les bassistes, ils restaient souvent dans leur coin. Il y avait peut-être le chanteur qui pouvait se permettre d'un peu plus se déplacer, mais celui d'Archaïque était bien groundé. Là, tu sais, le genou sur son moniteur, il garde droit devant, il est à l'attaque, puis il va faire son show de même tout le long. Mais ça ne changera pas que... Ouais, ça donne tout en intensité. Et ça se voit aussi dans la réaction de ses fans. Il y en a un, les bras bien en l'air, avait l'air d'évoquer le diable, mais par en haut, mais il avait l'air surtout d'apprécier le show. Alors, je me dis que ça fait... Ouais, ça fait bien des satisfaits. Et comme je dis, moi aussi, ça a été une seconde découverte, découverte par-dessus découverte, ça se peut-tu? Oh oui, c'est ça qui se passe à Devastation of the Nation. La suite de la critique est... Ah, c'est là qu'ils vont commencer. Encore plus de bémols, des bémols. Ah, de la tristesse, puis de la... Ah, des mauvaises émotions. À Critique de Crowd, tout de suite après les publicités. À tout de suite. Viens célébrer l'été à la 30e édition des Franco de Montréal. À ne pas manquer sur scène, un concert magique et déchaîné avec Feu Chatterton. Le rock électrisant du groupe montréalais Galaxy. Une soirée hip-hop québécois avec Dubmatic. Et le rap poétique de Gaël Faye. Billets en vente maintenant au francomontréal.com. Présenté par Bell, en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec la Presse Plus et CISM. Célébrer l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, Moses Sumney et son alliance subtile de folk, de jazz et de blues. La musique électro du jeune DJ français, Môme. Une soirée 100% hip-hop avec le duo torontois Calm Down, Nate Husser, Zach Zoya et Naya Ali. Une soirée tout en douceur avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Billets en vente maintenant sur montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec la Presse Plus et CISM. Fait que pour la radio, on a ici un beau tape cassette 8 tracks avec des grosses batteries pis tout. Ouais, OK, je suis pas super sûr. OK, d'abord, regarde-moi ça. Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 qui vient dans une belle mallette brune, le plus stable sur le marché. Vous auriez pas quelque chose de plus récent, mettons? C'est parce que je sais pas vraiment. Madame, est-ce qu'on vous a parlé de l'application CISM? Regardez bien ça. Vous pouvez écouter en direct ou en podcast toutes vos émissions. Vous pouvez même les sauvegarder dans vos favoris et voir la liste des chansons jouées. Puis en plus, ça vous coûte rien. Ah, wow, merci! Hey, ça, c'est bon pour les affaires, mon Steve. Voir un classique en famille sur écran géant? Quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du Parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au Parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au Parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Parce qu'il y a toujours un mets en ville. Rendez-vous le jeudi à 19h pour le Cabaret Urbain, votre magazine hebdomadaire de réflexion sur la ville d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dès le 7 juin, venez nous rejoindre au 6700 rue du Rocher pour assister à la diffusion en direct de l'émission. Mais parce que sans la musique, la vie serait une erreur. Mais parce que si le monde était clair, l'art ne serait pas. Mais parce que trop d'informations tue l'information. Mais parce qu'une société qui ne se pense pas ne peut que sombrer dans la décadence, lentement ou brutalement. Le Festival international Nuit d'Afrique, l'événement incontournable des musiques du monde, vous donne rendez-vous à Montréal pour sa 32e édition. Retrouvez plus de 700 artistes du monde entier du 10 au 22 juillet pour un voyage musical planétaire. Profitez de nos forfaits spectacles et découvrez toute la richesse de notre programmation sur le festival nuitdafrique.com. Vous écoutez CISM 89.3 FM. La vie me la snage dans mon œsophage. pris dans la tranche et m'attracher à ce boy par une plaque de plomb forgé qui traverse ma gorge et m'empêche d'épancher toute parole orale. Je ravale. J'essaye de parler, mais la corolle de la fleur du mal se referme, je me renferme, les mots pourris au fond de mon abysse thoracique. Oh, je cherche ta taxi, mais je m'intoxique dans mon esprit la taxi. C'est vie et c'est sans préavis. Saisie d'impatience, je dis la science infuse qui me dicte le fusée au fusain. Le dessin de demain sera, mais ma désobéissance a choisi l'errance et la sentience. Je danse, des lumières flashent où je danse. Dans ma trentaine, sans transe, je danse, je danse. Je mets ton col et colle ma langue sur ton cou. Exemple, je joue de ton gourou. Faut que revienne le sens de l'existence. Je mets ton col et colle ma langue sur ton cou. Exemple, je joue de ton gourou. Faut que revienne le sens. Vous aurez certainement reconnu Lydia Kepinski. C'était la chanson Sur la mélamine de son plus récent album qui sera lancé vendredi au Centre Phi, 1er juin. Et oui, le lancement se passera le 1er juin. Vous écoutez Critique de Crowd. Et oui, j'ai plein de suggestions. Ah non! Ah! Je suis comme, finalement, j'en ai moyen! Quelques suggestions de spectacle pour vous, Crowd, chance d'auditeur de la marge. Ouais, pour être honnête, d'habitude, je fais tous les jours de la semaine, puis... C'est rare que je fais ça, je suis comme abandonnée en cours de route, je sais pas, je n'étais pas inspirée, je me disais Mais reste que ceux que je vous les suggère fortement, parce que oui, c'est des bons bands et c'est des belles places. Et ce soir, c'est Cornif avec Petra Glint, Holly Data à la Sala Rossa, vendredi, en plus du lancement de Lydia Kepinski. Il se passe bien les affaires aux catacombes, parce que vendredi et samedi, c'est le Hear Slaughter. Et là, ça va être bien brutal, ça va être bien grindcore. Et il va y avoir, entre autres, Warmoth de Singapour, des bands, OK, il y a des bands du Mexique, de l'Australie, du Brésil, du Népal. Ça me fait capoter leur programmation. Il va y avoir aussi des bands de Shawinigan, quand même, dans l'exotisme. Alors, exotoxique. Et il va y avoir Kick-Ass Violence, que je viens juste de vous passer sur les ondes de CISM. Alors, si l'écoute de Va te coucher t'a charmé, mais va les voir aux catacombes durant Earth Slaughter. Vendredi également, c'est la grande ouverture du village au pied du courant. Je n'ai fait qu'une seule critique de crowd de l'événement. Je devrais bien y refaire un tour. Ben ouais. Samedi, au Club Soda, on souligne le 15e anniversaire de Total Crap. Et samedi également, il va y avoir le lancement de Dangerine avec The Fuzzy Undertones et Green Cup Alesco. Sur ce, ben, hey! Si t'as des suggestions pour les jours de la semaine que je n'ai pas mentionnés, ben envoie-les à Critique de Crowd Facebook, c'est le plus pratique pour que je puisse vous les repartager. Mais l'autre méthode de ton choix, fois, un courriel, un merveilleux Instagram que j'essaie de garnir de photos, mais vu qu'ils sont toujours flous, des fois, je m'en retiens. Non, mais c'est tough prendre des photos en show, là. Et là là. Alors, sur ce, Critique de Crown n'est pas photographe, mais elle anime à la radio et elle met de la musique, entre autres celle du palmarès franco. Fait qu'on s'en va entendre Requin Chagrin avec Mauvais Présage. Ce sera suivi de Bermude avec Menteur Menteur. Bermude sur les ondes de CISM avec la chanson Menteur, Menteur qui se retrouve sur leur EP Polygraph. Et vous avez aussi entendu en version longue parce que critique de Crowd. Ah, ben oui, je vous passe les tunes du palmarès, mais des fois, je passe pas la radio. La version radio est dite parce que j'avais envie que tu l'écoutes au complet, Crowd, requin, chagrin. Je te le dis aussi pour pas que tu te dises, ah, mais il semble que les autres fois, les autres animateurs, ils passent un peu courtes. Ouais, je sais que tu es observateur comme ça de tes oreilles, chers auditeurs de la marge. Alors, Requin Chagrin, c'est une chanson Mauvais Présage qui se retrouve en 11e position du palmarès francophone. Hey, si tu veux savoir tous les chiffres, entre autres celle de Bermude, 23e, parce que des nouveaux arrivés, ben écoute, le palmarès, c'est ism893.ca, t'es à toutes, puis il y a plein d'onglets, tu t'amuses des heures et des heures. Sinon, ben comme j'arrête pas de le répéter, les internets, c'est fort pratique, fait que tu googles ou tu utilises le moteur de recherche de ton choix et il se passe des affaires. Sur ce, tu utilises ta bonne vieille radio ou la balado de diffusion et tu écoutes Critique de Crowd en ce moment. Je te félicite. Et j'espère que tu viens pas te joindre à nous parce que sinon, ça se peut que t'aies manqué des bouts à mes grandes tristesses, mais bien rapidement. Ben oui, j'étais... j'appelle ça festival parce qu'à cette bande, même si c'est une soirée, même si c'est une tournée, j'ai envie de dire que c'est un festival Devastation of the Nation qui avait lieu samedi dernier à l'Astral. Et j'y allais particulièrement pour Venom Prison, groupe anglais. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils venaient à Montréal, j'ai fort l'impression que oui. Je suis vraiment triste parce qu'ils ont pas joué. Ils ont juste pas joué. Ils ont pas joué puis ils étaient là. Explication de cette chose qui paraît peut-être un peu absurde. Ouais. Fait que l'entracte entre Velopnat pis Archaic était drôlement longue. À vrai dire, c'était la durée d'une prestation. C'était 30 minutes. Exactement. Et oui, ça semait le doute. Pas d'informations sur place. Je regardais sur Internet voir s'il y avait une annonce comme quoi il y a des bandes qui n'auraient pas passé les douanes ou quelque chose du genre. Sur place, ben oui, spectacle, et particulièrement spectacle métal, égal. Beaucoup de titans à T-shirt et il n'y avait pas leur stock à eux autres. Fait que le doute est encore plus grand. Et mon incompréhension, je me dis, mais que se passe-t-il avec eux? Et je crois que c'est après Archaïque. Boum! Il y a du stock de Venom Prism sur une table. Puis je suis comme, ah, joie, joie. Il y a comme des rayons de soleil qui sortent, genre, de la sombre salle de l'Astral. Ça rayonne. Oh! Ah, le groupe est arrivé, joie. Et de mon anglais très, très, très rudimentaire, je vais voir la chanteuse et je fais, hey, vous êtes là, vous allez jouer. Et je comprends que pas pantoute. Non, non, non. Ils ont manqué leur coup. Parce qu'ils sont arrivés en retard, ben comme de fait. Ils sont arrivés en retard à cause que, non, ils ont été pas retenus aux douanes, là. Ils ont plutôt été retardés par les douanes. Ce qui a fait qu'en tout, ils sont arrivés 30 minutes en retard pour leur spectacle. Ils sont arrivés en retard à leur propre show qui commençait vraiment de bonne heure. Fait que, je sais pas, je pourrais accuser, oui, le cop de fait, le show, je trouve qu'il commençait déjà trop tôt. Puis en plus, ça fait qu'ils ont pas fait jouer à des bands, paraît-il. C'était pas un métal, mais paraît-il, c'est Archaïque qui ont dit, nous sortons jouer tout de suite. Puis moi, je suis vraiment choquée parce que je les aimais beaucoup comme groupe. J'ai dit, ah, quelle belle découverte. Puis après ça, j'étais comme, si c'est l'orgueil de Ben qui aurait fait en sorte que le groupe que je voulais le plus voir n'a pas pu jouer. Ouais, ça vient un peu de jouer sur le futur amour que je peux avoir pour l'autre groupe. Fait, c'est simplement et carrément ça. Ils sont arrivés en retard, le setlist était fait, ça bougeait pas là, comme si c'était cimenté, là, pis c'était intense. Hey, y a 6 bands, là, si vous échangez 2, là, une petite inversion, là, je sais pas, là, y a rien de grave là-dedans, y a pas une espèce de, je sais pas, de notoriété, là, sur 6 bands. Dis-moi pas qu'entre le 3e pis le 4e, y a une méchante grosse différence. Ça me chicote, ça vient me chercher, parce qu'après ça, le Ben sont restés, tu sais, ils sont arrivés à Montréal puis ils continuent la tournée avec les autres groupes, là, je veux dire, ils font tout le long. Fait qu'ils étaient là, derrière leur table de merch, tout déconfit, un peu piteux, ils sont comme, nous, on joue pas ce soir. Puis ils pouvaient rien faire d'autre, je veux dire, à part vendre de leurs CD aux fans qui avaient envie de les voir puis que la seule façon, genre, de ben, de profiter du fait qu'ils soient là, c'est de l'acheter leur vinyle. C'est... Je trouve cette décision pas pertinente, à la fois pour... Il n'y a pas eu de retard dans le spectacle, il y a vraiment juste eu un trou, tu sais, dans l'horaire. Fait que ça a été un moment d'attente inutile où on n'a rien été expliqué à la foule. Fait qu'on faisait juste pas savoir pourquoi il y avait ce silence radio, tu sais, qui était explicable. Ensuite, ben oui, notre niveau de patience pouvait, ouais, gruger, tu sais, puis c'est une longue soirée, puis... Mais c'est surtout pour les fans, tu sais, parce que je le suis. Peut-être si je l'étais pas, j'aurais pas la même réaction sur la situation. Mais c'est le cas. Je suis fan de Venom Prison, j'ai pas pu les voir, puis il y a pas de raison logique. Se sont pas cassés un bras, toute la gang ensemble. Leur van n'est pas démolie, n'est pas tombée des chutes Niagara. Leur stock a pas été volé, puis même s'il avait été volé, ben il aurait pu emprunter des instruments à d'autres groupes. Il y en a 6 autres. Fait que pour moi, je sais pas, je trouve ça surtout triste pour eux. Je me dis quel manque de solidarité. Je veux dire, un pépin, ça arrive. Ça se peut qu'il y avait plus de fil d'attente aux douanes. C'est tellement... En tout cas, ça me choque parce que, oui, pour les fans, c'est vraiment pas une décision logique du tout. Sur ça, c'est drôle parce que... quand je vous dis que je suis pas très bonne en anglais, il a fallu... J'ai demandé à ma comparse de foule d'aller leur jaser davantage pour avoir plus de détails. Et elle s'était même fait inviter, et je m'étais fait inviter par extension, à aller voir le show à Ottawa puis qu'elle allait nous mettre sa guest list Venom Prison. Mais j'étais prise le lendemain, fait que je sais pas à quel point j'aurais été game d'aller à Ottawa juste pour voir Venom Prison, parce que j'ai déjà vu les autres groupes, je sais pas à quel point j'aurais voulu revivre tout Devastation of the Nation, mais ouais, si j'avais été libre, je sais pas si je serais allée jusqu'à un petit road trip à Ottawa. Dur à dire, mais pour cette absence, on va aller écouter Litige sans moi sur les ondes de CISM. We'll be right back. de Lyon. C'est leur premier album, Fuite en avant, Litige, avec la chanson Sans moi, Sans Venom Prison. Et justement, on s'en va en écouter parce que c'est bon, j'ai pas arrêté de dire que je les aimais. Autant le prouver par leur musique. Allez découvrir Animus. Album qui est sorti en 2016, j'étais vraiment triste l'an passé. Je voulais les mettre dans mes top albums de l'année parce que je les ai découverts en 2017. Mais là, boum, en 2018, ils ont sorti une édition de luxe. Fait que, ouais, oui, ça va me permettre de le mettre dans mes top albums. Wouhou! Alors, Venom Prism avec un titre là, que je serais jamais capable de prononcer. Perpetrator Emasculation sur les ondes de CISM. Venom Prison sur les zones de la marge avec leur album Animus pour tous les titres, parce que non, je ne le répéterai pas deux fois. Déjà, je débaptise tous les groupes cette semaine. C'est ism893.ca. Après l'émission, on va voir les titres, puis tout, ça va être bien magique. À Critique de Crowd, ben oui, Critique de Crowd, qui est rendu, ben oui, là, quand même, là, je suis restée tout le long du spectacle avec une petite amertume dans le cœur. Oh. Mais je suis restée pour voir Disentomb, groupe australien, et oh mon Dieu, quel chanteur, sa voix, tu sais, ce que c'est plus que guttural, là. T'as l'impression que leur gorge, c'est un tunnel vers les ténèbres. C'est complètement le cas. J'ai beaucoup aimé aussi ce chanteur qui s'appelle Jordan James Phillips. Je trouve que c'était le plus incarné scéniquement de tous les autres groupes qui ont précédé. Il avait l'air... il avait l'air aussi méchant que sa voix, avec les doigts tout tordus. Et comme je vous ai dit, là, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les bands, alors ils longeaient vraiment le stage, mais avec son dos tout penché, ça lui donnait des airs de Quasimodo. Je sais pas s'il est tout le temps de même, là, mais je trouvais ça intéressant. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans ses habitudes, c'est quoi, le dos un peu penché, puis en plus, avec son micro, quand il se donne pas des coups de chaise, ben il bûche des arbres imaginaires avec son micro. Fait qu'il est à l'attaque, ou c'est un bûcheron. C'est bûcheron Quasimodo. Oui, alors, et l'image que tu veux, Crowd, en ce moment. J'espère que je te le représente bien. Si tu étais au spectacle, confirme-moi que je n'ai pas tort. Mais ouais, moi, je l'ai... En tout cas, je le voyais bûcher des arbres tout le long de son set. Vraiment tout le long. Vraiment. Mais oui, pour moi, quand je dis incarné, justement, c'est pas juste pour les mimes que je pouvais interpréter, mais le fait qu'il était... Ouais, il y avait une attitude, oui, qu'on pouvait voir physiquement, mais qui se transgresse dans la musique, de comment il le partage au public. C'est ça que j'ai bien apprécié. Et même, encore une fois, comme les autres groupes, surtout au début de Devastation of Nation, ben, il remerciait, mais il ne remerciait pas le public entre les chansons. Il remerciait durant. Hey! Tu t'appelles pas ça de la reconnaissance. Il fait dès qu'il y a une petite pause. Il est comme, oh, merci tout le monde, vous êtes trop malade. Yeah! Et la crowd aussi est bien débordante. J'ai envie de dire de bonheur, mais bon, des fois, dans ce genre de trash, la brutalité et la violence donnent pas l'impression que tu papillonnes dans, dans le mosh pit. C'est vraiment un mosh pit là, où c'est un peu des spasmes. Là. Ça déborde du petit lieu qui est le pit. Là. Ça va vers les gens qui voulaient pas nécessairement avoir de l'activité crowdienne, là, qui voulaient juste regarder le spectacle bien tranquille. Il va y avoir un circle pit sous le stroboscope. J'ai dit stroboscope, puis après observation, il n'y en avait pas. C'est vraiment juste les faisceaux de lumière qui clignotaient si rapidement que ça donnait l'impression d'être un stroboscope. J'haïs ça pour mourir. Je trouve ça dangereux, surtout durant un mosh pit. C'est genre, me semble que t'es à une seconde de recevoir un coup de poing dans la gueule. Tu sais, c'est genre, me semble que j'ai envie d'éviter un drame. Fait que veux-tu me donner de l'éclairage pour que je m'amuse en conséquence? Et c'est un peu pour ça que j'ai pas trashé. Et parce que la technique était peut-être violente et que j'avais peur de me blesser. Et oui, la salle, il fait... J'arrête pas de le dire, mais il fait noir à l'astral. Je trouve que c'est vraiment noir comme chez You. Puis avec l'effet stroboscope qui revenait là, d'un set à l'autre, là, ouais. Il me semble qu'il y avait beaucoup de coefficients de difficulté. On jase. Mais en tout cas, c'est moi. Puis c'est pas comme si j'allais pas dans les mosh pits. J'aime ça, mais peut-être, je sais pas. Des fois, il vient moins nous chercher, puis ça change pas l'appréciation qu'on a pour les groupes. C'est pas mal mon cas pour Devastation of the Nation. Par contre, peut-être que c'est en étant calme, tranquille, un peu à l'écart, que j'ai pu profiter de ce beau tableau où, durant Descentomb, il y a eu... un gros headbang collectif, tu sais, pas peut-être pas massif, tu sais, très chevelé de la part de tout le monde, mais tous en même temps... Guidé simplement par la musique. Tu sais, il n'y a pas eu d'appel à headbanger. Non, ni de la part du groupe, ni de quelqu'un dans la foule. Juste parce que musicalement, ouais, il y avait cette intensité-là et cette union-là. J'apprécie. C'est beau comme moment. C'est court, mais c'est beau d'en profiter, de le voir. Sur ce, le spectacle s'est terminé avec le chanteur qui est descendu dans le pit et... C'est clairement passé le chanteur, puis là, tu sais, il était pas trapu, là, mais tu sais, il était bien, il avait des bonnes épaules, là, fait que, il me semble que t'avais encore plus le goût d'aller donner une couple de petits coups, là, plus particulièrement à lui que dans le restant du mosh pit. Alors oui, il sera au centre de l'attraction du mosh pit durant les quelques paroles qu'il va faire dans la foule, puis après ça, il va rapidement retourner sur scène. Ce sera suivi par Ingested, groupe anglais qui font dans le deadcore. Extrait. J'espère que ça te donne un aperçu. J'espère. Ingested. Ah, ben oui, Deadcore. C'est, ben, semble que ça égale dans la foule. C'est mélange entre est-ce qu'on moche, est-ce qu'on trash? Est-ce que ça va être harmonieux entre le moche et le trash? Des fois, c'est super beau. Des fois, ça donne un bon mélange là, de techniques. Mais des fois aussi, t'as peur de pogner des coups de poing. Là, comme même si j'étais pas dedans, j'avais peur d'en recevoir. C'était assez brutal. Puis inversement, le pit était grand au début, là, vraiment grand et inoccupé. Puis c'était pas non plus le show où tu pouvais te dire dans la foule « Oh mon Dieu, les gens vraiment participaient abondamment parce que c'était le ben de leur vie puis ils capotaient. » Puis inversement, dans la foule, j'ai entendu la phrase comme « Hey, c'était fou, man! » Comme il était vraiment content, le gars, puis c'était un des meilleurs shows qu'il a vu de sa vie. Là, ben, je te paraphrase pas toute sa conversation. Mais tu vois, pour dire que dans le comportement de la foule, j'aurais pas pu tant déduire que les gens avaient apprécié le show par rapport au nombre de participations. Parce que, ouais, c'est le genre de show où c'est comme le niveau de violence peut être assez élevé, fait que ça s'adresse pas à n'importe quel genre de participant. Et en plus, le bon mélange, mosh trash, comme je dis, ben là, tu pourras toujours en manger une d'en face, ce qu'on souhaite pas, mais qui fait toujours partie des dangers du métier de trasher. Fait que ouais. Je dis ça parce que je me suis tenue à l'écart, mais tout en observant le pit, puis... Il y a un gars, là, il l'a dit lui-même, tu sais, il en a ramassé une, ça joue, puis il était à quoi? Il se tenait assure une des tables de merch, puis il reprenait son souffle, puis il était un peu comme, j'en ai vraiment eu une bonne, là, il était un peu déçu, choqué. Mais pour quand même que ça inquiète, je sais pas si c'était un inconnu ou un ami, mais il y a quelqu'un qui est allé voir, puis il a fait comme, c'est-tu correct, gars? Puis il a fait signe que, wow, oui, ça se passe. Puis ils se sont donné un fist bump. C'est pour ça que je sais pas si c'était des amis ou juste quelqu'un de vraiment attentif, mais c'était beau comme moment, malgré la douleur. Mais on voit encore plus que c'est un fan, parce que le gars, ça a pas pris, je sais pas, il a pris une toune, même pas, là. Je veux dire, 5 minutes plus tard, il était revenu, pas le plus participatif dans le mosh pit, mettons, là, mais... mais il était quand même retourné dans la foule. Fait qu'il voulait pas manquer le spectacle. Il voulait être proche, il voulait être d'avant. Fait que pour moi, ouais. Encore une fois, c'est révélateur comment il y avait beaucoup de gens qui pouvaient être venus pour Unjusted. Comme, moi, un peu comme archaïque, où je trouvais que les gens étaient... On le sentait qu'ils étaient venus pour ces groupes-là particulièrement. Vers la fin d'Unjusted, il va y avoir un gars qui va essayer. Je dis essayer. Moi, de loin, j'aurais cru que c'était un body surf qui avait été quand même assez long. Un peu peut-être pris à 2 reprises. Comme on a senti, une petite chute, puis là, ça remonte les vagues. Non, je me suis fait compter par la crowd. Merci, crowd. Tu me rapportes de l'information fort intéressante pour Critique de Crowd. Ça a l'air que c'est un gars de la sécurité qui a dit non. Non, nous ici, on body surf pas à l'astral. À l'astral, on reste les pieds à terre, sauf pour marcher comme des gros violeurs sanguinaires. J'ai déjà géré en passant pour la violence, le sanguinaire. Reste que quand même, le gars, il a quand même eu un coup qui a fait mal, puis il a été, disons, seul à lui-même, avec la petite tête de quelqu'un dans la foule qui a dit qu'il était correct. Est-ce qu'il était correct ou l'orgueil, il a fait dire « ouais, c'est correct ». Ça m'agace. C'est pas la première fois que je vous rapporte sur les ondes de CISM des problèmes avec la sécurité de l'astral. La dernière fois, c'était avec Horloge Chimor. On s'entend que musicalement, on est ailleurs. Et qui interdisait le stage dive, le body surf, le mosh pit. C'était difficile. J'ai dit, ben voyons donc, ça avait gâché toute ma soirée tellement j'avais trouvé ça pas du tout à l'écoute et dans une complète incompréhension. Je sais plus comme où mettre ma négation full. Bref, on voyait qu'il catchait pas la crowd. Il comprenait pas ses mœurs. Puis, ça m'avait choqué. Arrête de dire aux gens de s'amuser. Puis leur amusement, ben oui, c'est de se poussailler, mais ça se peut qu'on se fasse mal, mais pas à des niveaux élevés. Tandis que cette fois-ci, c'est ça qui peut être un peu agaçant. Tu sais, oui, des fois, la violence peut aller à des certains niveaux. Puis, je vais jamais dire « arrêtez le pit parce que c'est trop violent ». Je pense qu'il y en a pour certains. C'est ça, le plaisir. Il y a une forme de dépassement, d'exutoire. Oui, tu sais, ça peut vouloir jouer au tough. Puis non, pas tout le monde peut se le permettre physiquement. On pourrait bien se poser des questions sur le sujet des mosh pits hyper violents. Mais sois là pour les accueillir s'ils se blessent, genre, t'es la sécurité, au lieu d'interdire des choses. Et surtout, la chose la moins violente, la moins dangereuse, là, je trouve, c'est le body surf. Stage diving, toujours le risque de tomber. Ça m'est arrivé, alors je peux confirmer que tu peux te péter solidement la margoulette. Mais, genre, interdis-le pas, ça me fait capoter encore. Astral, genre, zéleur, alors sécurité, ça me désespère. Sur ce, on va aller écouter un groupe que je vous passe quand même souvent sur les ondes de CISM dès que j'ai l'occasion, dès que je passe du dead metal, finalement. Mais je trouve que s'il y avait un groupe québécois qui devrait être de la programmation dans le futur de Devastation of Nation, ce serait fort probablement First Fragment. Yeah. Killers Fragment sur les ondes de CISM avec la chanson Psychian Apotheos partie 2, la partie 1. Je te suggère bien de l'écouter. Alors, ben, va acheter l'album Daysane ou le retrouve-le sur Internet, mais pas de la façon que je l'ai prononcé. Encore une fois, le site de CISM est bien pratique pour tous les titres qui sont mal dits par critiques de crowd. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je déparle et j'arrête pas de dire le mot fort. C'est fort intéressant et c'est fort important. C'est fort grave, crowd, de être lourd en tant que personne dans ta jasette. Ah, ça, là, crowd, tu t'as gâché mon fun, je crois, durant la fin de Devastation of the Nation. Revenons du début de l'anecdote. Bon, ben écoute, un entracte. C'est l'occasion de jaser et des fois, ça donne un peu par hasard. Oh, on voit des connaissances et des gens qu'on revoit et revoit à travers les spectacles. Les amateurs de musique métal et toujours de plus en plus brutal finissent par, ben oui, être les mêmes parce qu'on a les mêmes goûts et on se retrouve. Et justement, je jase avec une fan de métal et on jase. Il y a quelqu'un qu'on connaît pas. Au début, je pensais que c'était un ami commun à elle et avec ses autres comparses de foule. Il s'impose dans la conversation. Il s'impose et il est désagréable. Il est désagréable, entre autres, avec des questions que je trouve impertinentes. J'allais dire fort impertinentes, tu vois, là, comment c'est fort grave. Ouais, c'est parce qu'il nous dit... Il a dit à la fille... Il demande si le gars qui est avec elle, c'est son chum. Mais... Ben déjà, non, c'était pas son chat, mais c'était son meilleur ami. Et ça pourrait être son voisin, son beau-frère, son cousin. Genre, tu connais pas la vie des gens, fait que c'est comme un peu prérequis. Plutôt, c'est un préjugé de faire « Ah, c'est une fille qui est accompagnée d'un garçon, donc ils sont nécessairement en couple. » Et je sais pas, j'ai peut-être tort, mais dans un contexte de spectacle métal, on dirait que c'est peut-être dans sa bouche à lui aussi, là, je pourrais pas... Tu vois, je ne fais que d'y aller de comment je l'ai ressenti. Mais ouais, ça faisait comme préjugé métal, comme « Ah, une fille dans un show métal, nécessairement, elle y va parce qu'elle accompagne quelqu'un. » Parce qu'à moi, il m'a demandé si j'aimais ça. Il m'a demandé si j'aimais la musique. Ah oui, c'est sûr que moi, je me pointe à 4 heures l'après-midi à l'Astral, une belle journée ensoleillée, pour m'enfermer dans la noirceur, écouter du métal. Mais j'aille ça pour mourir! Tu sais, c'est comme non, non, qu'est-ce que t'en penses, garçon? Là, réfléchis 2 secondes. Tu pourrais me demander quel groupe je suis venu voir, ou est-ce que je viens souvent à l'Astral parce que peut-être j'aime aussi le jazz, puis que souvent, ben oui, il y a du jazz à l'Astral, puis parle jazz de musique. Tu sais, de quoi d'un peu plus fluide? Et c'est là que je me sens un peu mal. Je me dis, bon, c'est ça. Soit il est, disons, rempli de préjugés, puis c'est triste. Soit il est vraiment pas discret dans sa crouse, ça va toujours être un peu comme on saura pas. Ça, dans la fin de l'anecdote, ça va rester en suspens. Et soit t'es maladroit socialement, puis je veux dire, c'est un peu triste, puis on sait pas par quel bout de te prendre, tu sais, comme on a envie de te dire, hey, on pourrait avoir une conversation, mais de la façon que tu le fais, là, c'est un peu carré, là. Je veux dire, parle, je veux pas que tu me parles la pluie du beau temps, mais écoute, dans un show métal, c'est vrai que les bands, c'est un beau sujet de conversation. Tu peux me demander le dernier show que j'ai vu, ou si je te dis, j'aille ça le métal, je sais pas ce que je vais ici, tu me dis, ah, qu'est-ce que t'écoutes d'habitude. Mais il me semble que c'est quand même un lieu où, même quand tu connais personne, il y a une variété de conversations intéressantes. Platonique, ouais, pas nécessairement intéressé sexuellement ou passionnément ou émotivement parlant, là. Fait que, bref, me semble que c'est vrai que c'est... Puis j'arrête pas de le promouvoir, mais ça, ma critique de crowd, c'est le fun de parler avec du monde qu'on connaît pas, puis des fois, oui, ça peut lier à des amitiés, des fois, c'est juste spontané, sans lendemain comme conversation, là, puis ça a été bien cool. Tandis que là, j'étais comme vraiment... à l'envers de ce que je promouvois, j'étais comme, oh mon Dieu, ce gars est lourd, parce qu'il ne dégageait pas, et... Même si on avait senti qu'il nous avait un peu insultés, tu sais, comme nous demander si on était en couple gratuitement, même s'il savait même pas notre nom, ben, il nous a demandé nos Facebook, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Attention, je pourrais faire le décompte longtemps. Au moins, genre 6 fois, là, je capotais. J'étais comme, ben voyons donc, quel harcèlement pour demander mon Facebook, genre, tu sais pas mon nom. Ben, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de nous demander, genre, je peux-tu t'ajouter sur Facebook? Ben, demande-moi mon nom avant, genre, ouais. La conversation va tellement être intéressante, je vais dire, hey, tu m'ajouteras sur Facebook, puis on se partagera des albums. Non! Et je vous dis, c'était tellement triste. Tu sais, t'as pas envie de dire au gars, excuse-moi, mais t'es lourd, tu sais, t'as juste envie comme... Ben, que le tout se passe naturellement, qu'ils fassent comme, ah, ben, les filles, ils sont en train de jaser du Puzza Fest puis de parler des shows extérieurs, ils sont en train de parler de ska. C'est vrai. Dans un show de dead metal, on parlait de ska, c'est quand même sympathique. Mais oui, tu sais, il aurait pu, je sais pas, moi, aller voir d'autres amis, retrouver les siens parce qu'il avait, oui, il était entouré, là, inquiète-toi pas, il était pas seul et sans défense. Fait que pendant qu'on était en train de jaser de ska, le gars, il est revenu nous voir et continuait à nous demander de nous ajouter sur Facebook. Et c'est tellement étrange comme moment parce que je me suis sentie irrespectueuse parce que je continuais à parler par-dessus lui. Puis je me dis, voyons, Jolaine, pourquoi tu trouves irrespectueuse? Le gars a aucune écoute. Visiblement, il a aucune compréhension, tu sais, du body language puis de comprendre que vous n'êtes pas intéressé à poursuivre la conversation. Mais je me dis, voyons, quand est-ce que t'as envie, je parle par-dessus quelqu'un en le niant. Quand est-ce, Jolaine, que tu gosses dans la face de quelqu'un? Je me trouvais vraiment pathétique. Je me dis, voyons, ça se peut pas comme conversation. C'était absurde. Ouais, triste, mal à l'aise. C'est pour ça que je veux t'en parler, Crowd, parce que me semble que je me disais ça se pouvait pas être conversation et non conversation de même. Tu vois, ça méritait un tout sautement. Ouais, je trouve ça dur parce que j'ai envie d'encore dire « Ah, soyons sociables », mais c'est le genre de moment où tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe pas, puis tu le sais pas justement. Tu as ajouté quelqu'un sur Facebook, est-ce que c'est de façon intéressée? Est-ce que c'est moi qui est obsédé par la croûte, genre, puis qui fait comme « Ah mon Dieu, ça doit être nécessairement parce qu'il est intéressé ». C'est comme « Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi j'y ai pas demandé? » Mais j'ai pas envie non plus de le savoir, tu sais, c'était juste harcelant, lourd. Fait que je me sentais juste piégée dans cette conversation-là. Et le pire, c'est que j'étais pas tout seul, ma comparse de conversation ska aussi était tout à fait piégée et elle-même expliquait que par le passé, des fois, elle a ajouté des gens qu'elle croisait comme ça par hasard dans les shows et que des fois, il y en avait qui, ouais, ils continuaient à être lourds sur Internet! Ah! Ça ne finit pas! Fait que ma seule chose que j'ai envie de vous dire, Crowd, je crois qu'on est toutes des fois, un moment dans notre vie, cette personne lourde, puis qu'on manie mal la conversation, qu'on sait pas où se placer, peut-être qu'on veut trop, puis qu'on catch pas à patente. Mais l'important, je crois aussi, c'est surtout l'intention. Peut-être qu'elle n'est pas toujours claire quand on veut la transmettre. Mais l'intérêt, c'est de vouloir connaître les personnes ou vivre un bon moment sympathique avec eux. Si ton intention, c'est d'avoir plus d'amis sur Facebook, c'est pas un intérêt si noble. C'est pas une intention. C'est quoi l'intention? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Fait que, je sais pas. Mais il me semble que quand je parle de conversation avec des gens dans la foule, dans les entractes, c'est pour jaser! Jaser, ça peut être léger, ça peut être intense, ça peut être philosophique, ça peut être bien des choses. Mais l'écoute dans cette conversation, c'est important. Mais l'écoute dans cette chose globale qu'est le vivre en société et la conversation dans la conversation, je crois que ça l'est encore plus. Le pire dans tout ça, oh mon Dieu, il a continué avec ma comparse de foule parce qu'il est allé la voir, puis il jasait avec, puis il a demandé si c'était une vedette, si c'était une artiste, puis s'il pouvait l'ajouter sur Facebook. Mais ouais, n'est pas... on dirait des pick-up lines, tu sais, au lieu de dire si t'es tombé du ciel, tu demandes sur Facebook, genre, mais non, n'utilise pas de phrases préconçues, c'est un idéal aussi dans ta communication, dans ta discussion avec tout le monde, comme ça on va tous passer un bon moment, et la vie sur Internet est... Ouais, elle est fun, puis j'aime ça partager avec vous, Crowd, justement, avec la radio, je pense que c'est une des plateformes qui nous permet de communiquer, parce que dans la vraie vie, ça tombe un peu par hasard qu'on se croise des fois, mais ouais, c'est aussi le fun, en premier, surtout, de jaser en vrai et que ça soit intéressant. Sur ce... Mais écoute, je te la dédie, garçon, Moulin à parole, parce que dans Moulin à parole d'Angine, le chanteur, il dit « Mais Seigneur, faites la terre! Faites la terre! » Je suis tombé sous son charme avant même que ne tombe la nuit. Elle me parle, elle me regarde, par-dessus tout, elle me sourit. Elle est jolie, elle a vraiment tout pour elle. Elle me raconte toute sa vie, on en est au premier verre. Je suis tombé dans l'alcool, en même temps que dans l'ennui. Elle est un moulin à paroles, elle n'arrête pas, elle m'étourdit. trouver avec elle au lit. Faites le taire, faites le taire. Alors, ta gueule de la gâchette. Oh oui, c'était des chansons très exutoires de ma part. Alors, la gâchette, ta gueule sur l'album À travers le temps. Et ensuite, c'était Moulin à parole, Angine sur l'album Chanson d'amour. Vous écoutez Critique de Crowd. Qui t'aime, Crowd, d'habitude? Et là là, et là là. Mais oui, c'est, je sais pas à quel point ça va avoir gâché mon écoute des autres groupes. Ou tout simplement le nombre de Ben qui sont tous dans le brutal technique, dead metal. Parce que rendu à Psycroptic, là, sérieusement, là, j'avais de la misère à faire beaucoup de distinctions entre les genres. Et inversement, l'appréciation des spectateurs est plus grande. On le voyait beaucoup avec Psycroptic parce qu'ils ont acclamé pour avoir un rappel. Puis ils n'en ont pas eu, ils n'en ont pas eu. Ils ont eu le droit à un selfie avec, avec le chanteur qui est resté sur scène pour l'apprendre. Mais autrement, ouais, j'ai l'impression qu'à être si niché comme événement, des fois, ça peut être un peu difficile, ouais, à sentir toutes les distinctions, toutes les nuances, toutes les différences en si peu de temps, même si, comme j'ai dit en début d'émission, pour moi, c'est aussi une belle occasion de faire de la découverte. C'est un peu en opposition. Je sais que c'est quelque peu contradictoire, mais on voit aussi que mon intérêt est un gros genre au début, puis il commence à s'étioler jusqu'à la fin de l'événement. Parce que oui, les pits vont se ressembler. Des fois, il n'y a personne. Des fois, ça s'excite plus. Mais après ça, je suis comme, mais coudonc, c'est souvent le même mécanisme, étant donné que c'est le même genre musical. Je fais un peu le parallèle avec le 3 Via Métallica Metal Fest. Là-bas, oui, c'est tout dans le métal extrême, mais il peut y avoir des bands plus metalcore, hardcore, d'autres qui sont plus techniques, plus dead metal. Et j'ai l'impression que j'apprécie cette distinction-là de jouer à travers les genres dans une grande famille parce que, ouais, ça permet... ça a l'air drôle pour le genre musical, là, mais j'allais dire, je trouve que ça apporte un certain vent de fraîcheur. Tandis que là, ouais, ça m'a un peu... ça a un peu joué sur ma concentration, sur mon appréciation. Alors, on va terminer en musique avec Benighted. Je sais, il n'était pas en spectacle, mais pour moi, il fit bien avec Aborted. Alors, allons entendre Versipilis sur les ondes de la marge. United sur les ondes de CISM avec la chanson Versipilis qui se retrouve sur son album Necrobreed. C'est la fin de Critique de Crowd pour cette semaine. Suggestions de spectacle, commentaires, les internets, hein, c'est pratique pour ça. Sur ce, Crowd, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je t'aime beaucoup, beaucoup et tu es si gentil. Je t'apprécie beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine et pour se remettre peut-être plus de bonne humeur que mon chiolage contre les mauvaises discussions de Crowd. Ben oui, je vous parle. C'est la chanson des Marmottes aplaties. Bonheur song. Hey, je te dis bye bye. Allez, souris et sois On s'en va écouter un show de radio. La 28e édition du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal aura lieu du 28 mai au 17 juin. Faites votre choix parmi une sélection de plus de 800 performances qui auront lieu dans plus de 20 salles intimes. Célébrez les artistes locaux, nationaux et internationaux qui convergeront vers le plateau Mont-Royal pour un festival de théâtre, d'humour, de danse, de burlesque et plus encore. Soyez les bienvenus à la fête bilingue des arts indépendants la plus importante à Montréal. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec organisé par Immigrants Québec les 30 et 31 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal. Venez découvrir toutes les opportunités offertes aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, d'entrepreneuriat ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec les 30 et 31 mai au Palais des Congrès de Montréal. Entrée gratuite. Pour plus d'informations, visitez salonimmigration.com. Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le OFTEA, Festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur la 12e édition et découvrir la passe roche, visitez-nous sur Facebook ou sur oftea.com. Venez célébrer l'été lors de la 30e édition des Franco de Montréal. Dans le cadre de la programmation extérieure gratuite, voyez sur scène Claude Pelgag et l'orchestre du Temple Thoracique de retour pour un spectacle chargé d'émotions. Rap Keb All Stars pour une soirée 100% rap québécois. Aussi sur scène, Dead Obies, La Fourmilière, Emma Nivy Looper et plus encore. Un party à ne pas manquer du 8 au 17 juin. Pour toute information, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec la Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM.